Bonjour, je suis Guillaume, votre DM. Je suis avec... Alex, qui joue Eramine. Miguel, bon. Qui joue... Etsuko. Et... Mickaël, qui joue Fern. Et Caroline. Allô. Qui va apparaître à un moment donné, qui est notre guest star aujourd'hui, qui va sûrement être un personnage à temps plein. Éventuellement, jusqu'à... on vous garde une petite surprise. Si on la tourne ici, c'est pas trop. Petit recap de la fin du chapitre 1. On a finalement fini le chapitre 1, on arrive au chapitre 2. Le chapitre 1 finit avec nos trois héros qui réussissent à finir la tour de la porte. Je m'attendais pas du tout à ça, c'est vraiment hot. Bravo les gars. Bob le barbare. Yeah. Mm-hmm. Vous avez à la fin de la, vous avez réussi tous les derniers étages. Donc à la fin, vous avez compris que pour réussir la mission, il faudrait prôner la vie, prôner le positif dans le fond. Le vin. Vous avez réussi à pas tuer aucun animal ou monstre qui était dans la tour, qui est quand même vraiment surprenant. À la fin, Corentine Sidam, la mère de Mathias, le roi, vous a donné un parchemin magique qui disait « Burn down the walls of time and space ». C'est Eramine qui l'a sur lui en ce moment. Personne ne le dit à haute voix pour l'instant, fait qu'on va le laisser comme ça. Etsuko a pris la carte des 5 points d'ancrage. Vous avez appris que le 6e point d'ancrage est inconnu pour l'instant. Francisca va sûrement vous envoyer un message quand ses éclaireurs et ses espions vont avoir trouvé c'est quoi le 6e point d'ancrage. Mais pour l'instant, vous partez pour Madrid, qui est le premier point d'ancrage. Paris a complètement perdu contact avec Madrid. On ne sait pas du tout ce qui se passe là-bas. Ça va sûrement pas bien. Donc, en ce moment, ce que vous faites, c'est que vous avez passé la nuit, vous avez récupéré vos points de vie, vous êtes tout parfait, et l'histoire, le chapitre 2 commence à la gare de Paris. Vous allez vous diriger vers Madrid. Donc, ce que vous avez en ce moment sur le quai du train, c'est Fern, Etsuko et Eramine avec Jeanne d'Argent et avec Francis. Es-tu malade? Non, elle est correcte, elle a été soignée avec la potion. Ah, c'est vrai. Avec Francisque, Brie et le roi Mathias. Médéric n'est pas là pour une raison qu'on ignore, mais il n'est pas là. C'est le Dragonborn. C'est le Dragonborn. Donc, le roi va comprendre la parole. Messieurs et Jeanne, je vous envoie vers Madrid. J'espère sincèrement que tout se passe bien là-bas, mais on a perdu contact avec eux et je suis vraiment très inquiet. Et j'espère que vous allez les aider ou trouver qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, vous avez eu 100 points, 100 gold. J'espère que vous avez acheté des choses. Moi, j'ai rien acheté. J'ai même pas eu le temps de checker le magasin. Ouais, on n'a pas grand-chose. 100 gold. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Je vais économiser, je pense. Donc, c'est cela. Donc, le train va partir dans quelques minutes. Je vous incite à entrer. Le roi Mathias s'approche vers vous. Il prend Fern dans ses bras et il vous serre vraiment. Oh my god! Bonne chance. Ce moment-là, mon ami, toujours. Bonne chance. Je suis sûr que vous allez réussir. Puis après ça, il flatte la tête à Eramine. Il me sent spécial. Mon petit halfling barbare. Yeah, c'est moi. Bob, vous allez faire une... Je pense que vous allez bien réussir. Je suis sûr que vous allez réussir. Oh, ouais, mon méchant. On va voir s'il y a d'autres héros qui réussissent le test aujourd'hui, mais pour l'instant, il y a juste vous autres. Et Etsuko, bravo. Bravo, vous avez fait un job extraordinaire. Francisca, il embarque. Mathias, le train va partir. Faudrait qu'il rentre dans le train. Ah oui, excusez-moi. Oh, Brie prend la patience. Ah, oh, je suis tellement content pour vous. Elle donne des becs à tout le monde. Elle se fait un petit sourire et elle donne sa bouche. Je suis quand même Rendu à Madrid, on va faire quoi exactement? Tu Ben, eux, ils savent pas non plus. Ils non, ils, à la Madrid, ouais. Ils savent pas plus. Ils savent que c'est un point d'ancrage, fait qu'ils savent pas ce qui se passe à Madrid en ce moment. Non, mais c'est un point d'ancrage. Jeanne, prends bien soin d'eux et fais-moi un rapport sur ce qui se passe à Madrid en ce moment. Ça m'inquiète vraiment beaucoup. Bien sûr, mon roi. Donc, nos quatre héros embarquent dans le train. Bip, bip. J'ai pas de bruit de train, mais il y en a. Au revoir! Le train commence à avancer. C'est un... Dans ce monde-là, le train... les trains sont comme un peu... C'est comme un train à mélange de ce qu'on a en ce moment électrique et le train à vapeur. Donc, ça va quand même plus vite qu'un train à vapeur, mais pas aussi vite qu'un train électrique. Donc, ça va vous prendre quelques jours pour se rendre jusqu'à Madrid. Ah, oui, temps, non, ah, ouais, c'est sûr. Fait que vous avez eu le temps de relaxer, vous avez le temps de discuter. Le train est pas plein, mais mettons qu'il est à moitié plein. Les gens que vous voyez sur les autres bancs à côté de vous sont pas... Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des gens de toute race, des humains, des halflings. Ils s'en vont, pas nécessairement à Madrid, mais le train va arrêter à plusieurs villes en chemin. Donc, vous pourrez sortir si vous voulez, mais techniquement, vous devriez aller à Madrid. Donc, vous êtes assis dans les bancs, face à face. Et Jeanne regarde, vous regarde. Mais ce que vous savez... Ah oui, en passant. Ce que vous savez pas, c'est qu'il y a une ombre depuis hier qui vous suit. Ouais? Qui vous suit dans le train. Cette ombre-là. Mais là, on fait un peu... un spot, là. Non, mais il y a beaucoup de gens dans la gare, fait que... Ok, ben, si t'as un 20, je vais te le dire, mais sinon... tu vois absolument aucune différence, mais tu sais pas qu'il y a quelqu'un qui te suit en ce moment. Non, mais j'étais... C'est quoi, c'est pas... Non, tu le vois pas. 11! Non. Tu le vois absolument rien. Tu t'en rends même pas compte. Ok, donc, mais il y a personne qui s'en rend compte qu'il y a une ombre. Il y a personne qui s'en rend compte, mais ce que vous savez pas, c'est qu'il y a quelqu'un... Oui, bon. Juste pour l'effet dramatique. Donc, vous êtes assis dans vos bancs. Est-ce que vous parlez? Jeanne a l'air un peu à regarder à travers la fenêtre. Un peu songeuse. Elle vous regarde à travers la fenêtre. Elle n'est pas certaine. Elle a l'air un peu nerveuse, je dirais. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous savoir, ça fait combien de temps qu'elle a eu du sexe, là? Fanny, là, pour rester en esprit. Est-ce que tu... T'es pas obligé de répondre à ça, merde. Je voulais... Je sais pas si je devais vous en parler, mais est-ce que Mathias vous a mentionné qu'il y avait des visions de Dieu? Non? Oui. Oui, vous l'avez mentionné. Elle me dit quoi? Ouais, je vous l'ai mentionné. Yep. Oui. Oui. L'ombre, elle nous dit, là. Ouais. Ouais. Donc... Moi, j'ai des visions de Dieu. Et vous savez, quand au banquet, quand vous êtes... Au banquet, comme genre à TQS? Au banquet. Banquet. Ah non, c'est pas ça. Au banquet, où est-ce que vous étiez tous les trois ensemble? Ouais. J'avais eu une vision de cela il y a quelques semaines. Une vision de? De vous trois, au banquet. De t'habiller? Avec... Ben, c'est elle là, qui dit ça. Ouais, c'est elle. Okay. Avec vos bracelets. Et depuis, j'ai eu plusieurs autres visions de Dieu qui... Les visions que j'ai, je sais pas si c'est des visions positives, négatives, ou qu'est-ce que ça veut dire de l'avenir, mais j'ai des idées dessinées. Et j'aimerais vous les partager parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes les héros qu'on attendait depuis des années. Oh my god, à dessiner tellement vite. Donc... Ça, c'est la vision que j'avais eue de vous. Quand Fern a volé les papiers. Tu y touches, je pense. C'est quand Fern a eu les papiers de voler les papiers à Bob. C'est moi, ça. Quand je me promenais dans toutes les roues, puis je vous ai vu, ça me rappelait la vision et j'ai dit. J'étais complètement fabulacé jusqu'à temps qu'il me montre son pénis. À ce moment-là, je me suis dit que je m'étais trompé dans la vision. Oh. C'était pas bizarre. T'as tout gâché. T'es-tu un humain ou t'es un... Ok, d'abord. Je suis un elfe. Depuis ce temps-là, j'ai eu plusieurs visions. Je vais vous demander de me dire ce que vous voyez par rapport au dessin. Donc, j'ai eu cette vision depuis... Pas sexuel, toi, c'est sûr. On connaît-tu les personnages? C'est Fern? Non. Non, c'est Aramine? Non. Tu connais-tu les personnages? Non, c'est une affaire. C'est un du gros sein? Vous la connaissez pas. Ben, OK. Puis l'autre en avant, c'est qui? Qu'est-ce que vous voyez, dans le fond? Je vous demanderais de décrire... Ben, ça, ça a l'air d'un être magique. Parce qu'il a la même couleur que nos bracelets. En fait, pour les gens qui n'ont pas de visuel, c'est. c'est, I guess, un half-elf. Non, halfling. Halfling, excusez-moi. Alpha. Halfling qui semble regarder un reflet diabolique d'elle-même. Une diabolique qui est plutôt jaune. Et le halfling semble avoir le poignet cassé. Non, elle tient dans quelque chose dans sa main. Elle tient quelque chose dans sa main. Mais sans main de main. Elle a clairement un arc à flèche. J'entends. Avec une longue coupe de cheveux. Est-ce que cette personne, est-ce que vous connaissez cette personne? Est-ce que ça vous dit quelque non, chose? Ça me dit elle ressemble à ma sœur, là, mais. mais vous, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Des fois, j'ai pas d'émotion avec les visions que j'ai. Mais des fois, je me dis que ça peut être des gens qui nous aident ou des ennemis qu'on va rencontrer. Mm-hmm. La prochaine vision que j'ai eue, c'était ceci. Ah, un peu aux bananes. Une main verte. Qu'est-ce qu'il y a une main verte? Un gobelin. Un orc. Quelque chose d'empoisonné. On va peut-être nous offrir quelque chose d'empoisonné. Ok, on va Est-ce faire... que vous pouvez décrire ce que vous voyez? Un pain avec la boucane. Yeah. Il a chaud. On voit une miche de pain dans une assiette servie par une main verte. Avec un nom moins, je sais, l'ongle a l'air d'être comme un croc. Pas un croc, mais. Et clairement, le pain il a de l'air chaud. Une griffe. Puis il a de l'air bon. Fait qu'il va falloir qu'on fasse attention pour qu'est-ce qu'on mange. Parce que je vais pas détecter poison, je vais changer mes magies. Là. Le temps, j'en ai là depuis 3-4-5 jours en train. Okay. La prochaine vision que j'ai eue est assez troublante pour moi. Oh, des démons. Ben, c'est des ombres, c'est des têtes qui ont des yeux méchants. Des yeux méchants, ouais, avec des cornes. Fait que c'est peut-être des démons. Il y a une épée puis une hache devant qui ont l'air. Méchants. On va rencontrer des démons. Avec... Là, en arrière, il y a comme. Je sais pas si c'est la lune ou. Cette vision, quand je l'ai vraiment pas. Ces grandes ombres, qui m'ont fait vraiment effrayer. La prochaine vision que j'ai eue me trouble vraiment. J'en ai beaucoup. Comme un poste de TV, c'est bien fun. J'ai l'impression que les visions qui sont dans ce carnet sont des visions du futur et de ce qui va nous arriver. C'est mon impression aussi. Oh! C'est qui ça? Bon, quelqu'un qui va être enchaîné. Cool, qu'est-ce que vous voyez? Hein, c'est un ange? C'est un, en tout cas, c'est un humanoïde avec des ailes, donc je présume que c'est non, un... Non, je pense qu'un ange, l'humanoïde, c'est il est attaché. Puis il y a un trou de serrure au niveau de la tête. L'humanoïde, ça se forme. Il y en a aussi au niveau des mains sur les Ah oui, c'est vrai, on voit c'est, trois... C'est, c'est quelqu'un qui semble être un ange restreint par des chaînes. Il faut des clés. Qui restreint avec un casque, avec des chaînes, avec des mains sont restreintes aussi avec des chaînes. Même la tête, là, d'après moi, s'il y avait des pouvoirs psychiques, là, il ne peut plus en faire. Là. Puis il y a beaucoup trop de muscles. Ça, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui va devoir être libéré. Libéré. La prochaine vision est spécialement pour toi, du coup. Au début, là, quand je l'ai eu, je te connaissais pas encore, fait que je savais pas trop... en penser parce que je connaissais pas les gens mais maintenant que je te connais j'ai l'impression que c'est dangereux pour toi. C'est une photo de famille de toi et tes parents et le miroir est détruit sur le côté de ma mère, sur le côté de ta mère. Ah non, je l'ai fait revivre. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Elle est à Paris, elle doit être en sécurité. Elle est pas à Paris, elle est à Barcelone. Elle est retournée à Barcelone, c'est vrai. Après elle a été soignée à Paris. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. Je vais peut-être faire un stop à Barcelone. On va aller voir, c'est peut-être un indice. Appelle-la avec ta voix. Je serais curieux. De... Mais là, on n'est pas en route vers Barcelone. Non, mais Madrid, c'est pas loin. J'aimerais beaucoup, parce que sinon, ça m'inquiète. La prochaine vision est ceci. Grosse tour en feu. C'est la tour du Mordor. Du Mordor. Il est en train de dégonfler. Un chemin puis un tunnel. Non. Pas sûr de comprendre. C'est un... C'est un rond. Là, on dirait que c'est un rond qui a une bouche qui vomit de quoi. Non, c'est un portail. Je sais pas non. C'est quoi. C'est... Peut-être que dans le temps, à un moment donné, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Prochaine vision, j'espère pour vous que vous avez certaines magies pour pouvoir nous aider par rapport à ça. Je non. sais pas quand est-ce que ça va apparaître. Mais... changer les magies. Ah oui! Les ça, zombies! Je... Oh, vivant. Contre les morts vivants! Zombies! Et pourquoi il y a l'air d'avoir une croix en arrière, mais d'autres femmes méchantes? Je peux peut-être les remaquiller, mais. Non, j'ai vraiment peur. Je sais pas de où est-ce qu'ils sont ces zombies-là, mais ça me fait vraiment peur. Non, mais toi, t'es en paladin, là, on va être correct. Prochaine vision est spécialement pour toi, Bob et Ramin. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Hey, c'est Octopus dans Spider-Man! Fait que Ramin, c'est toi ça? Ça moi, ressemble ça? À toi? Ah, oh, ok, ouais, ça se pourrait-tu qu'il y ait la guilde de voleurs pour laquelle j'ai travaillé qui me poursuive un peu, ça? Tu as travaillé pour une guilde de voleurs? Ouais, ben, j'essaie de gagner ma vie, là, tu sais, puis je me suis rendu compte qu'il était pas bien fin, fait que je suis un peu parti, puis là, ben, il y en a un qui avait une. Il y avait. Il y en a un justement qui avait une espèce de crochet. À la place d'une main, fait que c'est, je sais pas si c'est ça là. C'est pour ça que tu caches ton identité. Je sais pas si c'est ça là. Derrière un barbare. Mais j'étais pas un voleur là. Moi je les aidais, mais ça m'a permis d'avoir une vision que j'ai. Celle-là me fait plus que tout peur. Ah, oh. J'ai le dôme qui est percé. Mm-hmm. Le dôme brisé. Avec les deux portails qui sont encore ouverts. Mais ouais. Fait que le monde c'est comme... serait envahi par les démons et les ouais, anges. C'est comme si on venait de péter un condom. Pareil. C'est... Prochaine image. C'est aussi une image pour moi qui est très très dure à montrer. C'est Corentine. C'est la douise, hein? Ouais, la mère du roi. Je sais pas c'est qui les ombres en arrière. Mais nous autres. Ça semble être nous autres. Ben oui, check, on voit ma tête frisée là. Oh mon dieu, peut-être que c'est vous exactement. C'est nous qui va l'avoir tué. Mais non, Corentine, elle peut pas mourir. Corentine, c'est la base à faim. Non, mais c'est peut-être juste la sauce tomate, ça là. Ouais, peut-être. Elle était pas à Paris en sécurité. Non, on sait pas où elle était. On sait où c'était un hologramme. Et la dernière vision, c'est pas spécialement pour toi, Fern. Je sens que ça va être difficile pour toi de regarder cette vision-là. C'est tes parents, ta sœur et ta mère. Non! Qu'est-ce que vous voyez? Des cages d'humains avec des démons et des anges. C'est ma sœur et ma mère qui sont enfermées dans une cage, puis les démons qui essaient de les attraper, puis les anges qui gardent en prisonnier. Non, moi, ils sont en vie. Faut qu'on se grouille. On n'a pas le choix pour qu'on se grouille. C'est la dernière vision que j'ai eue depuis quelques semaines. Fait que là, tu dors bien depuis ce temps-là? Est-ce que je... Non, j'en ai souvent. Est-ce que je peux laisser ces visions-là à quelqu'un? Vas-y, Fern. C'est à toi. Fais attention, c'est des bons indices. Ajoute-leur des moustaches à toute la gamme. Je sais pas, à travers le timeline de toute notre quête, je sais pas quand est-ce que ces choses-là vont arriver. Mais je vous conseillerais de garder un œil ouvert pour les indices que ces visions nous donnent. Et je vais sûrement avoir d'autres visions au fur et à mesure que l'aventure continue. Mais s'il vous plaît, j'ai envie d'aller voir ma mère à Barcelone. Moi, je vais continuer l'aventure parce que. Non, mais ça serait important, il y a eu une vision. Juste à un petit arrêt, juste voir si tu vois. Mais on peut s'arrêter en train, puis tu fais-tu des arrêts en fait, après Madrid. Si vous regardez la map, Madrid est plus proche, puis après ça, il y a une Barcelone comme qui est un peu. On va commencer par aller à Madrid, mais j'aimerais ça aller à Barcelone. Tu vas t'en charger. Qu'attend, puis qu'elle déborde. Ok, fait que là, vous êtes en train, tout va bien, vous passez les journées là-dedans, vous êtes tranquille. Après peut-être une journée de train. Ce qui arrive à un moment donné, c'est que vous sentez le train qui. Tu sais, il allait vite, puis à un moment donné, il commence à breaker comme en stop demain. Fait que là, vous avez des coups comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis le train arrête complètement à un moment donné. les lumières commencent à cligner, commencent à fermer. Le monde commence, les gens autour des passagers commencent à s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Les enfants commencent à. Maman, est-ce qu'on sait où est-ce qu'on est arrêté? Vous êtes arrêté entre Paris et Bordeaux. Oh non, on est toujours en France. Vous êtes toujours en France. Ben, c'est peut-être pas une journée, après, mettons 12 heures de train, quelque chose de même. Donc, là, vous regardez autour de vous. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose? Il faudrait checker qu'est-ce qui se passe, là, si quelqu'un veut faire un spot. Moi, je me suis mis 1000 points de spot, là. fais le spot d'abord. Ça, c'est spot, hein? Ouais. J'ai plus 7 de spot, là. Je me mets dans le jeu. Ce que tu vois, dans le fond, en ce moment, dans ton wagon, tu vois rien de spécial, mais dans l'autre wagon en arrière, parce que tu es où, là? Ouais, c'est vrai, tu regardes là-bas, dans la porte, dans la fenêtre de la porte, tu vois que les fenêtres, les lumières sont encore en train de cligner l'autre bord, puis tu vois que les gens commencent à se lever, puis genre à se tasser. Puis, genre, tu vois pas trop ce qui se passe l'autre bord. Jeanne se lève, elle regarde comme toi là-bas. Tout d'un coup, vous entendez des cris dans dans ce coin-là, dans le wagon d'avant. Il y a comme la... OK, fait que là, il se passe quelque chose. Il y a... dans le wagon en avant, c'est où est-ce que le chauffeur... Elle se lève. Héros, je vais aller voir dans le wagon au loin là-bas. Vous autres, allez voir le chauffeur. Il y a quelque chose qui fonctionne pas ici. Attends. Wow. Elle était partie. Elle était partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle part en courant, puis elle arrête là. Là, c'est à votre tour de jouer. OK. Héros de Sidam. Ou au pire, on change. On va-tu changer, en tout cas. Héros de Sidam, je vais aller dans le wagon et là-bas. Vous allez voir le chauffeur, qu'est-ce qui se passe? Les gens crient puis regardent. Ouais, ils commencent à être énervés. Les gens commencent à se lever, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Il faut lancer un dé de. Savoir c'est qui commence à jouer. Mm. Comme d'habitude, je suis toujours. 6! J'ai 12. Oh, 4. J'ai 7. Fait que c'est Fern. C'est après ça, c'est qui? 7. Après ça, c'est Eramir, puis après ça, c'est tout. OK, Fern, vas-y. Je te connais pas. Moi, je vais changer, je pense. OK. Est-ce que je peux refaire un autre spot pour savoir, pour m'assurer que... En fait, lance le dé, ça. J'ai besoin de 17. 17 plus que la première. C'est toi qui commence. Oh. Dans 20, toi, comment ça? OK, qu'est-ce que tu fais... Je dis pas ton nom. Qu'est-ce que tu fais, toi, nouvelle joueuse? Ben moi, je reste cachée pour l'instant, je les observe. OK. C'est à toi, Fern. OK. Je crie à Jeanne d'Argent. C'est sûr, vous avez eu correct? J'en ai vu des bien pires. Ne vous inquiétez pas pour moi. She's so hot! God, si j'avais quelque chose à faire signer, je le ferais signer là. OK. Guys, je vais aller voir dans le prochain wagon qu'est-ce qui se passe, mais... OK, on va te suivre. OK, je vais te suivre, là. J'approche vers la porte sans rentrer et je regarde à travers la fenêtre. You knock on wood. Un spot. Genre, spot. C'est quoi déjà? C'est un spot. Plus 7. Okay. 19. Ce que tu vois, c'est les gens qui sont complètement affolés. Ce que tu vois... C'est des petites figures vertes qui se promènent et commencent à frapper les gens. Comme avec leur petite hache. Oh! Ils ont des grandes oreilles vertes comme ça, avec des dents qui sont un peu comme ça, qui partent en avant. Tu les reconnais en tant que gobelins. Ils commencent à frapper les gens, puis les gens, en général, dans l'affaire, c'est des paysans. Fait qu'ils savent pas trop comment agir à ça. Il y en a quelques-uns qui essaient de se défendre, mais. Il y a beaucoup trop de... Guys, il y a plein de gobelins qui sont en train d'attaquer les gens, faut qu'on bouge. Bon, je vais les aider. Ouais. Non, je sais pas. Yatsuko, c'est à toi. Ben, moi? Oui, non, c'est lui avant moi, je suis derrière. Est-ce que j'étais passé, Alex? Ben oui. Vas-y, Alex. Vas-y, Alex. Vas-y. Vas-y. Moi, ben, je suis à être suivre. Fait que, elle s'en va de l'autre bord. Fait que nous, dans le fond, on a rien à faire. Que, je vais pas aller l'aider, là. Elle dit qu'elle a l'air d'être correcte. Fait que, le début du train est où, là? C'est ça. C'est le chauffeur ici. Ok, ben, il faut aller l'aider. Fait que, moi, je vais me mettre ici. Fait que, je vais dire, guys, je vais checker le derrière. À... Non, c'est pas ça. Ok. Ben, je vais m'en rajouter là. J'étais où? J'étais là? Ouais. 1, 2, 3, 4. Non, là. Ok, c'est à toi, Etsuko. Je peux aller avec elle, je suis pas obligé d'aller. Tu peux aller avec elle si tu veux. Ouais. Mais elle vous a dit d'aller de l'autre bord. Encore l'autre qui est pas bon. Mais non, mais. On a très bien réussi la tour de ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me mets aussi juste devant la fenêtre, puis je peux ouvrir la porte. Tu peux ouvrir la porte si tu veux. J'ouvre la porte. Oh my god! T'ouvres la porte, puis là, pendant que t'ouvres la porte, tous les gobelins qui sont en train de tuer les gens qui sont dans le métro. Dans le train, ils se retournent vers toi, ils sont comme. Ben, c'est sûr. C'est encourageant. Ferme la porte, ferme la porte! Fait que là, je vais ajouter gobelins ici. Ok, gobelins est en dernier parce qu'ils sont surpris. Fait que là, ils se retournent dans les autres, puis il y en a un qui finit son attaque, coupe la tête d'une madame qui était juste là. Plein de sang qui gicle partout. Yeah! Après ça, ils se retournent vers toi avec plein de sang d'en face, comme ça, puis comme. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Je vais juste les mettre. Je pense pas que je puisse proposer un massage à ce là, guys. Je pense que là, tu vas te battre pour vrai, Fern. Fait que lui, il se retourne. Et pendant que les autres sont encore en train d'attaquer. Puis, je sais pas combien. Attends, je regarde combien ça avance. Hein. Je pense que ça avance quasiment à 40. Non, ça avance à 30. Parce qu'ils sont petits. C'est des gobelins? Ouais. Ça avance de 30, là. Ils sont petits comme nous autres, mais... Il arrive, genre 1, 2, 3, puis il commence à frapper Etsuko parce que c'est toi, le petit gobelin qui est toi. Merci de me protéger, guys. Il arrive avec son. Il va t'attaquer directement. J'avais dû oublier. Je vais voir si je te peux, j'essaie de toucher. Hii, crit 20! T'es dans la merde, tu meurs. Mais non, il me touche, c'est sûr. Ben, fait que là, je t'attaque avec mon scimitar. Shit, ok. C'est un D6 plus 4. Correct. Je vais survivre. J'arrive, genre, pis je te stab direct dans le chest plate. Ben, rien. Yeah! Fait qu'il a lancé 2 dés. Je te fais 8 au total. Je suis encore en vie, c'est bon. Ah, il est dans ta face, pis il te regarde. Pis il tire l'épée de ton chestplate qui t'a frappé. Les autres gobelins restent là, puis ils vous regardent, puis ils continuent à. Genre, il y en a un qui tient une madame par les cheveux, puis l'autre qui a comme genre. Il continue à rentrer tranquillement son couteau dans le ventre d'un monsieur. Puis le noir, lui, il fait juste vous regarder, puis il est comme genre. C'est là que j'aime pas. Ok, c'est à. C'est pas une catastrophe. C'est à Kelly. Gestion de crise. Moi, je vais courir. Sauve-toi! Tu cours ou tu marches? Je cours. Tu cours, fait que tu peux faire le double. Mais si, je suis à l'avance de 4x2. C'est vrai. Ah, t'es comme lui. Ouais. Vous êtes petit. Ouais. Ok. Fait que. L'ombre de tout à l'heure sort de sa place. Là, moi, je la backstab. Il arrive en arrière. On arrive en arrière de Eramine. Est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu fais quelque chose? J'ai dit que je viens les aider. Je la connais pas tout. Moi, ça t'a envoyé dans la boîte. J'ai une question de 4. C'est cool, fait que Kali, elle a fini. Et Ramine. Non, fait que je fais 100 mondes de tueur encore. C'est le seul qui a pris comme super de temps à caster. Là, je vais caster autre chose. Hein? Vas-y, cast ton spell. Allez, il va être là 2 rounds, guys. 2 rounds! Yay! C'est pas un spell. Vraiment de monster, je vais caler. Là, vu que c'est des Fiendish, je vais y aller avec le Celestial Dog. Ah, le Celestial Dog, moi, c'est pas. Tu le mets où? Je vais le mettre, je peux le mettre jusqu'à combien? Je sais pas si c'est Je peux le mettre jusqu'à 30 pieds. Fait que je pourrais. Ben, en fait, je peux le mettre. Non, je peux pas attaquer, vous allez le tuer. Fait que je vais aller le faire attaquer les autres en attendant. Je peux le. 30 pieds, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux mettre là. C'est cool, c'est pratique. Mais il attaque tout de suite, fait qu'il peut se déplacer. Fait que. Puis il va faire. Eux, c'est des evil, fait qu'il va faire un smite evil. suite sur le premier qu'elle veut. Tu m'attaques-tu? Ouais, j'ai plus 2, mais en fait j'ai plus 3 parce que je fais un c'est, bon, c'est le dommage seulement. Puis moi j'ai 15. Plus mon 19! Oh shit! Fait que oui, plus 3 fait 22, bitches! Un des 4 plus 2. 6! Shit! Bah! Sur le jaune ça? Ouais. Pourquoi t'as mis un des blancs? Il est genre. C'est mon chien. Ah, qui est plus okay. Ce qui arrive, c'est que là, ton chien, il mord littéralement, genre, il sait, puis il commence à. Là, le gobelin, il est comme. Il y a plein de sang qui gicle partout. Il est pas mort, mais il est pas fort. Il est comme. Ah, puis il tape sur la tête du chien pour essayer de se défendre. Fais-tu une dommage. Ok. C'est ton tour à Fern. Allez, Fern, défends-moi, prends la revanche. Est-ce que Jeanne nous entend son cri? Pas à travers la porte, avoir de la misère. La porte s'est fermée en arrière. Et en plus, il y a plein de monde qui crie et tout ça, genre avoir de la misère. C'est le chaos total dans le train. Ouais. On va peut-être t'entendre, mais elle saura pas que c'est toi. J'ai peur qu'il arrive de quoi. Bon. Tu peux aller la voir, là. Ouais, va mourir. Faut-tu attaquer diagonale de même ou faut que je suis sur le côté ou en arrière? Non, on peut pas attaquer en diagonale. J'attaque. Vas-y. Non, mais attaque avec son. On va voir si c'est une touche. Peut-être 15 et plus. Yes. Ok. Tu touches. Ben, parce que moi, je vote pour ça. Oui, il est fort. Là, que tu m'attaques avec quoi? Ben, mon rapier. Vas-y. 1, 2, 6. Il tombait? Mais ils vont bien. Il y a eu 18. Ben, c'est un critique avec la rapière. Ah ouais? Dans l'instant, c'est marqué 18. Un 20. J'ai eu combien? 18, non? Ouais. Ou 16. 18. Fait que là, regarde, c'est ça permet de faire le choix avec critique. Ok. Ben, oui, ça. Fait que là, tu lances ton dé deux fois dans le fond des points. Ah ouais, pis t'as plus de malus là, hein? Ah non, t'as encore malus, c'est pas vrai. J'ai pas jamais malus sur mon D6. Ouais. T'as encore malus, ouais. Là, tu lances deux fois. Un. Mais ça fait un pareil. Ah, c'est un minimum. Oh, et c'est un minimum. Fait que c'est sur le guéri, ça. Deux sur le Là, tu le poignardes deux fois rapidement, puis comme. Il se reprend, puis comme. Il est vraiment fâché. Merde, c'est moi qui vais l'attaquer. Ok. C'est ton tour à qui? C'est ton tour à. Je vais attaquer, j'ai un attaque bonus parce que quand j'attaque avec ma longsword. Yeah. Oh. Puis tu manques d'aplomb. Encore une fois, il fait vite. T'es pas assez proche. Tu manques de pogner Fern. Ouais. Je suis vraiment bourré, désolé, gars. Okay. Surtout au gobelin, le gris va essayer de pogner Tsuko encore parce qu'il est en face avec son scimitar. Ouf! Encore! 20, encore. Fait que j'ai plus 4, j'ai... Ok, ouais. Tu vas vraiment mourir. Fait que là, j'ai 2... J'ai des 2-6. En fait, j'ai... Dans 2 points, des 6, à chaque fois, t'as plus... moins... J'ai moins? T'as moins de force. Je pense que je vais m'healer. Ah, ouais. M'en prendre mon heal, ça va finir. 3. Fait 2. Ben, il faut qu'il reste à la potion de brûler. Non, je l'ai donné à Jeanne. On l'a tout... Vous l'avez tout pris. Ouais, mais il est capable de s'healer, lui. Ouais, je sais. Ça fait 2. Il peut utiliser n'importe quel sort de bois pour... 3 total? 2 plus 3, ça fait 5. Ouais, t'as eu un. Au début que t'as lancé. Non, il y a eu 2 premiers. Mais c'est ça, mais moi là. J'ai eu 3, ah, moins 3, ça fait 2. 2 plus 3. Ça fait 5. Ça fait 5. Ok. Fait que lui, il te slash ça, genre. Un, sa jambe, sa cuisse. Je commence à être faible. Le ici. Je suis pas fort. Les deux autres. Toi, t'es smart, toi. Heal toi, man. J'ai des clients si tu veux. Le jaune va attaquer ton chien. Avec son scimitar. Combien? Je sais pas combien il faut que j'aille pour te frapper. Mon but. Fait que lui, il a un, fait qu'il t'a pas pogné. Fait que lui. Ah, il s'empale son épée. Genre, il donne un coup, puis il rentre son épée dans le plancher, puis elle reste pognée. Fait que là, faire son prochain tour, c'est tout. Ça va te prendre un cours complet pour enlever l'épée du plancher. À moins qu'il lâche l'épée là, puis il y aille avec son arc. Les deux autres gobelins, ils regardent ça pis ils rient. Et next, c'est Kali. Que j'ai avancé. Puis je leur dis encore que je suis là pour les t'aider. Je suis en mission pour le roi. Moi, je trouve qu'elle est grosse. Peux-tu pitcher une boule de feu? Non! Kelly, t'es une boule de feu. Kelly, est-ce que tu peux décrire physiquement pour que les gens puissent savoir? Je suis petite, je suis une alphéline. J'ai les cheveux noirs, les yeux noirs. J'ai des gros seins. J'ai un arc à flèche. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais maintenant à me rendre là? Je fais rien pour l'instant parce qu'ils sont pas mal toutes dans le chemin. Donc les risques que j'ai poignardes sont élevés. Elle essaie de se faufiler. C'est la passée, ça, où vous allez. Ouais, vous attendez, mademoiselle, faites attention, il y a des gobelins, là. Pyramide, qu'est-ce que tu fais? Encore moi? Ouais. Allez, ouais. Là, mon chien s'en occupe. Mais je vais faire attaquer mon chien encore. Le jaune, il est en train de crever en plus. Mais il y a l'épée pognée. Ouais, il peut pas attaquer. Bon, mais il reste pas grand-chose, le jaune. Je fais quoi? Attaque-le, tu le. Ben, je suis mieux de vous laisser dedans. Mais tu peux-tu passer? Ben, je peux, ben, si vous me laissez passer, oui, je peux passer. Mm. Parce que c'est ça, c'est du 5 pieds par 5 pieds qu'on prend, là. Mm-hmm. On sent tout 5 pieds par 5 pieds, c'est... Je suis gros. Avec ouais. Mon armure, peut-être. Tu sais, je me mets frontline, puis j'aime pas ça. Fait que, ben, je vais prendre mon tour complet pour charger mon arbalète. OK. C'est au tour à Fern. J'essaie de l'aller attaquer. Deux épouses. Quoi? 6 plus combien? 8. Bon, ben, t'essaies de l'attaquer, puis il l'évite. Encore. Je prends un risque. Je l'attaque. Vas-y. Vas-y. Laisse pas de 15 et plus. Vas-y, pogne-les. Mais attends, j'ai mon bonus plus 1 que j'ai une spell aussi que je pourrais faire. Ma spell, je pourrais pas la faire. Je fais un spell. Encore là. Sur un spell. Automatiquement attaque d'opportunité. Ouais, mais tu peux prendre un 5, tu fais ton spell, puis tu n'as pas d'attaque d'opportunité. Non, mais j'ai un spell qui me donne un plus 1 à mon dé d'attaque. Ah. Fait que. 17. Ouh! Shit, tu l'as pogné! Plus 1 fait 18. Tu l'es. Je suis tellement fâché qu'il m'a blessé tantôt, là. Vas-y, tu l'attaques avec quoi? Un D8. Vas-y, fort ça. Fait que un D8, c'est pas mal tout. Plus que ça, non? Je fais 2. Tu réussis à y toucher l'épaule avec ton épée, ça glisse un peu sur le cou dans le même, ça commence à saigner un peu, mais il est pas mort encore. Il est pas fort, mais il est pas mort. Gobelin. Mais pas elle, elle s'en vient, elle peut la laisser passer, je sais pas, peut-être qu'elle. Ben, elle peut passer, ça veut. Et du coup, il va essayer de t'attaquer encore. Qui ça? Le gobelin. Oh, le petit gobelin. Pas pantoute, il te manque. Genre, en donnant son coup de cimetar, il a pogné un crit one. Fait que là, dans le fond, tu tasses comme ça, tu attrapes sa main, tu enlèves son épée. Oh! Puis tu la lances loin derrière. Puis tu partis là. Là, le gobelin se retourne comme ça. Puis il sort son arc. Puis ça finit son tour. Le jaune va attaquer le chien. Ouais. Avec un 16. Une touche. 16. Puis là, je vais l'attaquer contre le cimetar aussi. Ah, il passait pas son tour, lui! Oui, c'est vrai, il est poigné. D'accord, on a poigné dans le plancher. Mais là, il réussit à la dépoigner. Le noir, par exemple, s'approche. Ouais. Là, il va attaquer. Le chien, c'était pas comme deux tours, je sais pas. Ouais, à fin de mon tour. C'est le deuxième. 8. 8, il poigne-tu? Non. Fait qu'il poigne, le chien, il l'évite encore. Fait que là, c'est tout. Le verre, il est crampé en deux, il regarde et comme. Je pense que le prochain tour, je peux le tuer. C'est au tour à Cali. Monsieur, est-ce que vous me laisseriez passer? Pourquoi pas? Genre, c'est deux. Tiens, je te relève. Sans faire dans mes jambes, mettons ma tête. Je vais l'attaquer avec mon cimetière. Ok. Fait que j'ai 17 plus 6. Tu le touches. Shit, fuck. Ah oui. J'ai une fois de la force, j'ai comme... 3. Plus, t'as-tu un plus quelque chose? Ah, sûrement plus, ouais. Ah oui, t'as pas plus, puis c'est avec ton arme. Un des 4 plus quelque chose? Non, c'est juste un des 4. Ah, hein, mais non! Mais non! C'est pas assez qu'on m'a oublié de voir. Ah, fait que c'est ça, t'as un des 4 plus 3. Ah. Fait que ça fait 7. 7. Sur le. Ben, ça fait 3 plus 3 spécifiques. Shit! Dis-moi comment tu le tues. Yes! J'y plante mon cimetière en plein dans le ventre. ça passe directement au travers, le sang, il commence à cracher du sang, le gars, il te regarde comme... Il tombe à terre, comme surpris d'être mort. Ça fait 3 ans, là, c'est vrai. Enfin mort! Il a failli me tuer. Girl power. Ok. Next, Kéramine. Je pense que les sont vraiment là, je viens de les remarquer. Je suis jaloux. Arrêtez pas de parler de ses dés. J'ai envie de tuer les bébés. On va juste jouer à. Ils sont magnifiques, ok? Mais ils sont cool, les games aussi, j'aime ça. Belle couleur. Si t'en veux, tu me le diras. J'en veux, c'est sûr. Parce que je travaille dans une classe. On s'en parle. Je vais passer les commandes. Kéramine, c'est à toi. Bon, enfin, on fait le ménage. Vous voyez, petites gens, comment ça travaille bien. Ah! Là, mon chien, oups, disparaît. Oui! Les gobelins sont comme surpris. Sont... Ouais, fait que là, ils sont tous stun. Il y a le jaune qui réussit à enlever son épée du plancher. Il est comme... Fait que moi, là, c'est ça, je vais checker ce que j'avais comme spell à part ça. Bon, ben c'était le fun. Ah, mais attends, mais j'ai mon arbalète qui est full loadé. Ouais, c'est prêt, loadé, t'es prêt. Ok, fait que je vais m'avancer jusqu'ici, puis je vais essayer de poigner celui qui est déjà touché, je m'en rends. Oui, l'arbalète, ouais, ça va loin. Genre. Fait que. Tout ça pour ça. Ton téléphone va tomber. Yeah. C'est pas grave. J'ai un Protect. Ah, ok. C'est quoi la dessin? C'est West Street Fighter. Ah, ça, c'est. J'ai mis. Sangoku. Goku m'a habillé différemment. Son protecteur, son nouvel amour de Jacques. Non, pas dans 20 minutes. Non. Ok, donc, crossbow, let's go. Fait plus 5, 17. Tu touches. Oh. Yes, sir, je fais un dé. Magie? Non, non, mais je suis trop loin. Ok. C'est pas grave. Pas de magie pour ça. J'aime ça, avoir de la magie. 8. Là, il était déjà mort, ça. Fait que là, dans le fond, en enlevant son épée, il se retourne, puis là, en enlevant ses mains comme ça, il y a une flèche qui arrive direct dans l'œil, puis il passe à travers la tête, puis là, puis il tombe à terre, puis il est dead. Ouais, ça fonctionne. Il sent qu'il coule, puis les deux autres sont comme... Ah! Là, lui, il trouve ça drôle. Il a pas peur, lui. Surtout, Fern. Excuse-moi, je vais passer à côté de toi. Oui, vas-y, la chaise. 1, 2, 3, 4, 5. Je devrais le noir. Puis là, je donne un coup de rapier. Puis là, c'est, I guess, c'est pas un. C'est pas un. C'est pas un sneak attack. Fait que là, il bloque ton rapier. Ah. C'est au tour à Etsuko. J'avance. Est-ce que je peux passer? Oh, vas-y. Puis je faut que je demande au cadavre. Là, non, il est mort. Tu veux demander, mais je pense que tu t'attendras pas. Puis il va se laisser faire. Oh! C'est plus un, je le touche. Oui! C'est un D8. Oh. C'est combien? Un. C'est tout? Je suis tellement proche. Bon, ben, avec ta petite long sword, ben là, tu il touche un peu la, tu touches un peu l'épaule, le cou. On l'épée tombe sur son épaule. C'est un king, il est comme, ah, on fait mal. Il parle en commun, il sonne même en commun ou il dit parle en gobelin? Ben, il parle en commun. Ah, comment? Il semble en commun. Ouais. Le gobelin. Le sautoro gobelin. Parce que je comprends ce qu'il parle, s'il dit sans gobelin. Là. Le ver s'enfuit dans l'autre wagon. Le noir ici va essayer d'attaquer Fern. Fait que là, je te manque, tu l'évites juste à la dernière seconde. C'est au tour à Kali. Si je monte du banc, là, je peux essayer de l'attaquer avec mon arc? 18, ben tu y touches, évidemment. Fait que là, tu y fais combien avec ton. Tu lances-tu deux flèches? Ah, oh non, je pense que c'était un. C'est. Ça prend un round complet, fait que je pense que tu peux pas. Tu mais peux comment ça. 5. T'as-tu un plus quelque chose? Non. Non, parce que t'as pas un. Ça, c'est juste un. Ok. Fait que là, il fait 5. Il reçoit la flèche directe comme dans ici, dans le rein. Puis il est comme. Ah, puis il y a comme un peu de liquide noir qui commence à couler, genre. C'est cool. Puis il est comme. Puis il est comme. Il shake, là. Il a de la misère à tenir son épée, là. Forcez-vous, guys, là. Et Ramine, c'est à toi. Je vais prendre mon tour complet et recharger mon arbalète. Ok. C'est au tour à Fern. Yes! J'attaque. Fort. Évidemment, tu le touches pas. Même shakant, il réussit à éviter ton coup. Je peux-tu lui faire un clin d'œil de la mort qui tue? Il te regarde avec moi. J'aurais essayé. T'essayes de me tuer, mais après ça, tu me fais de l'œil, si je comprends pas. C'est tout, Raetsuko. 1, 2, 3, je m'en vais derrière, ça me donne quoi comme bonus? Sauf qu'il y a une attaque d'opportunité normalement. Ah oui, c'est vrai, je pensais à côté de la soie. Mais tu peux prendre un 5. Tu peux juste la mettre sur le côté. Ouais, tu peux avancer de la 1. Ah, mais ça va-tu me donner quelque chose à faire ça? Ça fait de l'espace. Là. Fait que, parce que là, on est tout le temps en front comme ça. Fait que c'est sûr que si tu déplaces, si mettons, il est pas mort, d'après moi, il va être mort. Si c'est le prochain tour, c'est ça, exactement. Ok. Fait que je l'attaque. 4 si je touche pas. Non, tu ne touches pas. Il réussit à l'éviter. Surtout au gobelin. Le gobelin, il est complètement. Il s'est encerclé, tout ça. Il va reculer. Vu qu'il est magané, il va reculer juste de 2. Là, il y a une affaire d'opportunité pour deux. Vous deux, Fern, puis toi, vous pouvez essayer de l'attaquer. Allez, Fern. Fern, puis Etsuko. Fern. Attaque. T'es là, Fern. 10 plus combien? 1. 20! Shit! Etsuko! En fait, tu l'es. Etsuko saute dessus. Ah ouais, vas-y, combien tu y fais? 2 fois. T'es chanceux, il restait 1 point de vie. Ah, il y a d'autres coups. Ah non, faut pas que tu touches en dessous. L'excitation. Vas-y. Faut que tu touches en dessous. C'est qui en dessous là? Il va quelque chose qui lui mange la main, c'est ça? 4. Ok. Fait que là, il essaie de s'enfuir, puis il a tellement pas le temps. Etsuko saute dessus, puis il poignarde avec son épée, genre. Dans la tête, les yeux pop, le sang partout sur le plancher. J'étais un peu paniqué, je vois ça, je suis comme. Je trouve que pour un clergé, t'es violent. Ouais. Fait que là, il se relève. Ah, je pensais que le gobelin s'est relevé. Ok. On va bientôt finir. Ouais, moi, je suis déjà en retard. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, l'autre, il est de l'autre bord. Ouais, il est dans la place où est-ce que le chauffeur. Ben, c'est à qui, là? C'est au tour à Cali. Je vais. On va enlever les petits gobelins. La porte est fermée, monsieur le chauffeur? Ouais. Si elle arrive à côté, elle va se trouver. Je vais avancer 4. 1, 2, 3. Comme ça? Ouais. Ok. J'ai envie aussi. Hello! Ouais, c'est vrai. Dans le fond, chacun de nous fait l'action. Ouais. Mais c'est autour à Révin. Avancez. 3. Ok. Autour à Fern. Rends-toi à pas. En fait, je veux pas être plate. Mais le fait que les gens de l'argent soient tout seul en arrière, j'ai. Ah, mais il y a 9 d'autres, allez-y. Je sais qu'il y a 9 d'autres, mais c'est une femme. Ça va te prendre 3 tours de ta ronde. Je vais courir. Vas-y. On l'a peut-être les étés. Vous êtes 3 là. C'est ton tour à Etsuko. Ben moi, je me rends à la porte, puis je l'ouvre. Ok. Ce que tu vois en dedans, c'est. Il y a 2 gobelins. Ben il y a le vert qui est comme. Il y a comme l'autre gobelin qui est comme ça, puis il est en train de trancher la gorge du chauffeur. Puis quand il voit rentrer, il fait comme. Puis il regarde l'autre, il fait comme. Ah, mais faut s'en aller, faut s'en aller! Il laisse tomber la tête, puis après ça, il sort par la fenêtre. Il s'en va. Il s'en va entre les bras. Ah, il a arrêté le train. Oui, le train est arrêté. Oh. Puis. Puis là, c'est ça, il y a le cadavre du chauffeur de train qui est là, puis il y a les gens qui sont comme. Il l'est! Oh my god! Oh il l'est! Ben ouais. C'est ça, fait qu'il n'y a plus de gobelins, ça, je trouve. Mais là, moi, je l'ai parlé aux gens, mais l'autre, il est parti. Ben là, tu peux pas essayer de le soigner, peut-être, toi, peut-être, t'es coupé au gobelet. Ben, il y a pas mal de sang qui sort de la gorge. Il est à moins grand. Moi, je vais rester là, je vais leur parler avant que tu m'attaques, puis tu penses que je suis méchante. Ben, à vous deux, parce que. Mais tu nous as aidés. T'as pensé que t'es pas méchante. T'as découpé un gobelin. Ouais. Mais je vais avancer à côté de toi. Salut. Allô? Qu'est-ce que tu lui dis? Ben, je lui demande son nom, premièrement. Etsuko. Etsuko Seika. Oh, moi, c'est Cali. J'ai été envoyée par le roi. J'étais pas là dans le test, mais. Faites-moi confiance. Je peux pas le dire. Parce qu'il y a jeune niveau 2, t'as juste tout le monde. T'es plus avancé que nous autres pour ça. Enchanté. Cali, c'est ça? Cali, ouais. Cali. Et Rémi, qu'est-ce que tu fais? Mais là, nous autres, on devrait peut-être aller voir l'autre là-bas, là. Il est parti de même. Il nous a juste vu, nous, tu dis? Non, il est juste retourné de bord. Le train, il va comme genre juste s'écraser s'il y a personne qui s'en occupe. Non, il est arrêté. Vous avez de la misère avec le train qui est Mais tu ne l'as pas dit que tu t'en... pourquoi tu t'en retournais, là. T'es juste parti. Ben, j'ai fait comme je veux. Oui, checker James Jamie. Je suis désolée. Je suis désolé. Ben là, je vais demander. Ok, Puis elle a-tu un bracelet? Non, elle a pas de bracelet. Oh, fait qu'on veut pas y parler mentalement. Bracelet. Ok, ben moi, ça va être bien beau les présentations, mais je pense que je vais aller voir si c'est bon. J'ai juste fini pour bon moment. Je vais aller voir, je le sais, je vais pas vite. Ok, Fern, qu'est-ce que tu fais? Je continue à avancer vers la porte, I guess, toujours en savoir qu'est-ce qui se passe avec Jeanne d'Arc. Elle se fait violer, elle est morte. T'ouvres la porte, c'est un bain de sang ici, tous les passagers sont morts. Les lumières continuent à flasher comme ça. Il y a Jeanne d'Argent qui est littéralement accrochée par le cou comme ça. Genre par quelqu'un qui la tient par le cou dans les airs. Puis, est-ce que tu vois, ça flash comme ça sur elle, puis la personne qui la tient. La flash. Puis elle est comme un peu genre, elle a comme perdu connaissance un peu. La personne se retourne vers toi. Ce que tu vois, genre, c'est comme si quelqu'un avait mis une face par-dessus une face. C'est attaché par derrière sa tête, des longs cheveux blonds, comme ça, puis il y a comme une face. Et tu vois ses yeux à travers des trous de... Genre comme s'il avait découpé une face, puis ça, il était mis dans la face, puis attaché par en arrière. C'est le silence des amis. Puis il est comme sur le banc, comme ça, genre, puis il tient Jeanne comme ça, puis il dit: j'ai toujours trouvé que les elfes avaient des beaux visages. Il prend son couteau, puis il commence à couper les visages, comme ça. C'est une elfe. Sauf que là, vu qu'il n'y en a pas ici, je vais me contenter de ce chevalier. Donc, en te voyant entrer, il te voit, puis il fait: séjour est fini. Puis il prend sa dague allonge, il fait ça comme ça, ça fait un trou dans l'espace-temps, ça ouvre un portail, puis il s'en va dans le portail avec Jeanne. Non! Le portail se ferme. Non! Puis on va arrêter la game là. Je savais! Petite chouette! Yeah! Je disais, pression là!